qui l'a rempli ma pensée. Elle a peur que j'ai la soupe, il joue avec ma tension. Mais qu'elle t'attend de moi, on joue avec le feu, c'est danger. Sans tes mains, j'ai vu que mon avenir est scellé. Aventura, Fortuna, c'est déjà ça, vie comme elle. Coachella, t'as fait danser à Coachella. Coachella, t'as fait danser à Coachella. Coachella, t'as fait danser à Coachella. Coachella, elle passe sur mon espèce. Au fond, je sais qu'il y a rien qui change. La tête baissée, j'y allais, même si je connaissais les anges. Elle veut que j'aille dans son sens. J'ai regard méprisant. Je prends mes distances. Son discours devient médisant. McLaren com o pretão fica mais chave. Atrai dinheiro, interesse, mulher. Tô à vontade com várias gatas do lado. E eu já sei o interesse que ela quer. Coachella, já fez dançar a Coachella. Coachella, já fez dançar a Coachella. Coachella, já fez dançar a Coachella. Coachella. Igual marajá, elas gostam e ficam na ponta do pé.